إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier pour nous avoir facilité ces assises de rappel dans lesquelles nous apprenons et nous remémorons des choses qui nous sont profitables pour notre religion. Parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des imams de la guidée. Ces assises donc, ce sont un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, combien parmi ses serviteurs sont plongés dans des futilités, des choses dont ils ne tirent aucun profit, ni pour ce bas monde, et encore moins pour l'au-delà. Pire encore, d'autres sont plongés dans des activités qui seront pour eux source de regrets le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important pour le musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la voie du bien, d'être conscient de ce bienfait, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et de persévérer sur ce bienfait et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur ce sentier. Vous savez tous que l'étude de la science, comme il est venu dans un hadith, est une chose obligatoire pour tout musulman. En effet, il y a des sciences qu'il incombe à chacun d'entre nous de connaître. Et parmi ces sciences, il y a en premier lieu la science de la croyance, l'aqidah, et surtout la science du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses les plus importantes qu'il incombe à tout musulman et toute musulmane de connaître, il y a ce qui concerne le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi, c'est-à-dire la prière. Donc celui qui souhaite que sa prière soit bonne et acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est indispensable pour lui d'apprendre les règles de cette prière, d'apprendre quelles sont les conditions de la prière, quels sont ses piliers et quelles sont ses obligations. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et afin de pouvoir prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il est indispensable pour nous d'apprendre les règles de la prière. C'est pour cela que j'ai choisi de commencer cette nouvelle série de cours dans lequel nous allons lire, incha'Allah ta'ala, cet épître de l'éminent cheikh, l'imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, intitulé « Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations ». Dans cet épître, comme le titre l'indique, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a énuméré les conditions, les piliers et les obligations de la prière. Et il a accompagné cela d'épreuves, comme à son habitude dans ses ouvrages, rahimahullah ta'ala. Il va donc commencer par mentionner 9 conditions de la prière, puis 14 piliers et 8 obligations. Et lorsqu'il va arriver à la 4e condition de la prière, qui est la purification, il va mentionner les conditions, les obligations et les annulatifs des ablutions. Donc on va commencer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, par lire le début de cet épître et les premières conditions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Mais avant cela, il est nécessaire pour nous de connaître quelle est la différence entre les 3 choses mentionnées dans le titre de ce livre. Les conditions, les piliers et les obligations. La condition d'une chose, les savants l'ont définie comme étant ce dont l'absence implique nécessairement l'absence de la chose. Et la présence de la condition n'implique pas forcément la présence de la chose pour laquelle elle est conditionnée. Donc ça, c'est la définition terminologique de la condition. On va donner un exemple pour que cela soit plus clair. Par exemple, les ablutions. L'absence des ablutions implique nécessairement l'absence de la validité de la prière. Celui qui ne s'est pas purifié, sa prière n'est pas acceptée. Mais la présence des ablutions, elle n'implique pas nécessairement la présence de la prière. En effet, il se peut qu'une personne accomplisse simplement les ablutions, par exemple, pour lire le Coran ou autre chose qui nécessite les ablutions. Donc la condition, si elle n'est pas présente, la chose pour laquelle elle est conditionnelle n'est pas valide. Mais si elle est présente, cette chose n'est pas forcément présente. Et les conditions, ce sont des choses qui sont accomplies avant l'accomplissement de la prière. Quant au pilier, le pilier d'une chose, c'est son essence même. C'est-à-dire que les piliers de la prière, ce sont les choses essentielles de la prière, ses mouvements, ses paroles, etc. Et les obligations, elles diffèrent du pilier. En effet, l'obligation, si elle est ignorée ou si elle est oubliée, elle peut être compensée par les prosternations de l'oubli ou les prosternations de la distraction. Alors que le pilier, si tu l'oublies dans ta prière, alors ta prière n'est pas valide. Ceci est donc la différence entre le pilier et l'obligation. Mais l'obligation, tout comme le pilier, il n'est pas permis de les délaisser volontairement. On va donc commencer maintenant par lire les paroles du Shir, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, shurutu salat tis'a. Il commence tout d'abord par la basmala, en disant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et on a vu dans d'autres cours que ceci est l'habitude des savants lorsqu'ils écrivent de commencer par la basmala, à l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, les conditions de la prière sont au nombre de 9. Et il va ensuite les énumérer, les 9 conditions, puis après revenir à chacune d'entre elles en mentionnant sa preuve. Il dit, rahimahullah, al-islam. La première condition, donc, c'est l'islam, le fait d'être musulman. Wal-aqlu, la raison. Wat-tamyiz, le discernement. Et on va revenir sur chacun de ces termes par la suite, incha'Allah ta'ala. Waraf'ul-hadath, la levée de l'état d'impureté. Wa-izalatul-najasa, le nettoyage de l'impureté. Wa-sitr-ul-awra, le fait de couvrir sa awra, le fait de couvrir sa nudité. وَدُخُولُ الْوَقْتِ, l'entrée du temps. وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَ, le fait de s'orienter vers la qibla. وَالنِّيَّ, et l'intention. Ceci sont donc les 9 conditions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Et on pourrait se poser une question. Quelles sont les preuves que les actes de la prière sont divisés en conditions, piliers et obligations? La réponse est que ceci est le résultat des études approfondies des textes faites par les savants, rahimahumullah ta'ala. C'est-à-dire qu'en étudiant les textes du Coran et de la Sunna, de manière approfondie, ils se sont aperçus que les actes et les paroles de la prière n'ont pas tous le même statut. Certains sont obligatoires, d'autres sont recommandés, le délaissement de certains annule la prière, et ainsi de suite. C'est donc comme cela qu'ils ont divisé les actes et les paroles de la prière en conditions, piliers et obligations. Il dit ensuite, rahimahullah, الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. La première condition, c'est l'islam, et son contraire est la mécréance. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. Et le mécréant, son œuvre, elle est rejetée, quelle que soit l'œuvre qu'il accomplit. والدليل قوله تعالى مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدٍ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. La preuve à ce sujet, c'est-à-dire la preuve que les œuvres du mécréant sont rejetées, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ceci concerne donc les œuvres des mécréants. Le mécréant, quelles que soient les œuvres qu'il accomplit, aussi nombreuses soient-elles, alors ses œuvres, elles sont rejetées. Car il fait partie des conditions d'acceptation des œuvres pieuses que la personne soit musulmane. On a vu dans des cours précédents que les conditions d'acceptation des œuvres, elles sont au nombre de deux. La première, c'est l'ikhlas, la sincérité, le fait que l'œuvre soit accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est la conformité, le fait que l'œuvre soit conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants, ils rajoutent une troisième condition qui est très importante, qui est l'islam. Car en effet, il se peut qu'une personne, elle soit mécréante ou polythéiste, comme ceux qui adorent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font des sacrifices pour les morts, qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui font d'autres parmi les annulatifs de l'islam. Il se peut que cette personne, en parallèle de cela, elle accomplisse certaines œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant sa satisfaction et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme en parallèle, il accomplit des œuvres de shirk, des œuvres de polythéisme et des œuvres de mécréance, alors son œuvre n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que certains savants rajoutent donc cette condition qui est l'islam. Car les œuvres du mécréant, elles ne sont pas acceptées. Cependant, il faut savoir que celui qui entre en islam, qui se repent de la mécréance à la lumière de l'islam, alors il profitera des bonnes œuvres qu'il a accomplies avant d'être musulman. Et ceci est une bonne annonce pour toute personne qui entre en islam. En effet, il est venu dans des deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullahu ta'ala, d'après Hakim ibn Hizam, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de certaines œuvres pieuses qu'il accomplissait durant la jahiliya, durant la période pré-islamique, avant d'être musulman. Il voulait savoir si ces œuvres allaient lui être profitables et est-ce qu'il allait en tirer bénéfice dans l'au-delà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donc annoncé cette bonne nouvelle et il lui a dit « Aslamta ala ma aslafta min al-khayr » Tu es entré en islam avec ce que tu as fait auparavant comme bien. C'est-à-dire que les œuvres de bien qu'il a accompli avant d'être musulman, lorsqu'il était mécréant, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner la récompense de ses œuvres une fois entré en islam. Et en parallèle de cela, il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grâce envers ses serviteurs, que le mécréant, lorsqu'il entre en islam, alors tous les péchés qu'il a faits auparavant, ils lui sont pardonnés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 38 de Surat al-Anfal, « Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf » Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, c'est-à-dire s'ils cessent leur mécréance, s'ils cessent leur polythéisme et entrent en islam, on leur pardonnera ce qui est passé. C'est-à-dire que leurs péchés passés leur seront pardonnés. Il est venu à ce sujet l'histoire de l'entrée en islam du noble compagnon Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, « Lorsqu'Allah a ouvert mon cœur à l'islam, je suis venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, tends-moi la main que je te prête allégeance. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui tendit alors sa main, et Amr, il a retiré sa main. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui alors dit, « Qu'as-tu, Amr ?» Il s'est interrogé, pourquoi il lui demande pour prêter allégeance et il retire sa main. Alors Amr, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, « Je souhaite émettre une condition. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interrogé, il lui a dit, « Quelle est-elle ? Quelle est cette condition ?» Alors Amr radiallahu ta'ala anhu, il a dit, ma condition est de me faire pardonner. C'est-à-dire de se faire pardonner les péchés qu'il avait accomplis auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui le précède? C'est-à-dire que les péchés qu'il a accomplis avant l'islam, ils lui seront pardonnés. Ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui le précède? Et ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc le mécréant, s'il meurt sur la mécréance, toutes ses œuvres, elles ne seront que poussière éparpillée. Mais s'il se repent et entre en islam, alors il trouvera la récompense des œuvres qu'il aura accomplies avant cela. Et en plus de cela, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. La première condition de la prière, donc, c'est l'islam. Il dit ensuite, rahimahullah, ashartu thani al-aql, wa dhidduhu al-junun, wal majnun marfou'u anhu al-qalam hatta yafiq. Il dit la deuxième condition, c'est la raison. Et son contraire est la démence ou la folie. Et le fou, la plume est levée pour lui jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. En effet, le fou, al-majnoun, les œuvres, elles ne sont pas acceptées de lui. Ni prière, ni autre que celle-ci. Car la plume est levée. Et la plume est levée, cela signifie que ses mauvaises actions, elles ne sont pas notées, mais également, les bonnes actions, elles ne sont pas notées. De la même manière, celui qui souhaite accomplir la prière, il est indispensable qu'il ait sa raison. Et s'il a perdu la raison, que ce soit à cause de la folie ou encore à cause de l'ivresse, alors il ne lui est pas permis de prier, sa prière n'est pas valide. Il est indispensable pour prier qu'il ait sa raison. Il dit, rahimahullah, « Wa dalil hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, rufi' al-qalam 'an thalatha, an-na'im hatta yastayqidh, والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Il dit la preuve et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plume est levée pour trois, c'est-à-dire pour trois catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et le petit, c'est-à-dire l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc ces trois personnes, la plume est levée pour elles. C'est-à-dire que leurs bonnes actions, comme leurs mauvaises, elles ne sont pas notées. Celui qui dort, au moment où il dort, il est excusé pour les œuvres qu'il manque, s'il n'y a pas de négligence dans son sommeil. Et au moment où il se réveille, alors il doit s'empresser de prier. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Man nasiya salatan, onama anha, fal yusalliha, idha dhakaraha. » Celui qui oublie une prière, ou dort durant celle-ci, alors qu'il l'accomplisse dès qu'il s'en rappelle. C'est-à-dire que celui, par exemple, qui accomplit la prière du dhuhr et après, il part faire une sieste. Il met un réveil pour se lever pour l'asr, mais il n'entend pas le réveil. Et il continue de dormir jusqu'à ce que vienne l'heure du maghreb. À ce moment-là, au moment où il se réveille, il est obligatoire pour lui de s'empresser d'accomplir la prière de l'asr, puis la prière qui est entrée, la prière d'Al Maghreb. Et il n'a pas de péché pour cela s'il n'a pas été négligent. À condition qu'il n'a pas été négligent. De la même manière, celui qui était plongé dans une occupation au point d'en oublier l'accomplissement de la prière. Au moment où il s'en rappelle, il doit s'empresser d'accomplir la prière et le temps de la prière est pour lui le moment où il s'en rappelle et ce d'après le texte de ce hadith que l'on vient de mentionner. Il dit ensuite, rahimahullah, Al-Thalith, التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة. Il dit la troisième condition, c'est le discernement. Et son contraire, c'est sirar, c'est-à-dire lorsque l'enfant n'a pas encore l'âge de raison. Une fois qu'il atteint l'âge de discernement, l'auteur il dit, rahimahullah, et sa délimitation est 7 ans, alors on lui ordonne la prière. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a atteint l'âge de 7 ans, il a atteint l'âge qu'on appelle l'âge du tamyiz, l'âge du discernement. C'est-à-dire qu'il discerne entre les choses, il a sa raison. Il discerne entre ce qui lui est nuisible et celui qui lui est profitable. Il discerne entre le bien et le mal. Et la preuve de cela, il dit, rahimahullah, « لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les pour celle-ci à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits. Donc l'enfant, avant l'âge de 7 ans, il n'a pas sa raison. C'est pour cela que la prière, elle ne lui est pas ordonnée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné qu'une fois que l'enfant atteint l'âge de 7 ans, alors on se doit de lui ordonner la prière. Et ceci fait partie des bienséances islamiques auxquelles il est obligatoire pour les parents de s'y astreindre. Et il ne faut pas négliger cet ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'enfant à 7 ans, la plume, elle est levée encore, car il n'est pas pubère. Donc ses mauvaises actions, elles ne sont pas notées. S'il délaisse la prière, il n'a pas de péché, il n'est pas en tort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont ses parents qui sont en tort et qui sont dans le péché, car ils ont transgressé à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'ordonner aux enfants la prière, cela ne veut pas dire simplement que tu lui dises « lève-toi et va prier ». Mais cela nécessite des choses avant cela. Tu dois d'abord lui apprendre les règles de la purification ainsi que les règles de la prière. Il ne suffit pas de faire comme le font certains parents, de prendre l'enfant et de l'emmener avec lui à la mosquée. L'enfant, il n'a pas fait ses ablutions, il ne connaît pas les règles des ablutions, il ne connaît pas les règles de la prière, il joue pendant la prière. Ce père, il ne s'est pas soumis à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Mais pour te soumettre à cet ordre, tu te dois d'apprendre à ton enfant, pour t'acquitter de ta responsabilité face à cela, les règles de la purification ainsi que les règles de la prière. Certains parents, ils sont négligents à ce sujet. Il y en a qui n'ordonnent pas du tout la prière, wal'iyadhu billah. Ils transgressent ainsi l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, ils lui ordonnent la prière, mais pas de la bonne manière. Comme on a dit, il prend son enfant à la mosquée avec lui, il n'a même pas fait les ablutions, il ne connaît aucune règle de la prière, il le met dans le rang, il le laisse l'imiter et jouer dans la prière. Et cet enfant, en réalité, il coupe le rang, car il n'est pas en prière, il n'a même pas les ablutions. Donc, on applique sur cette personne qui fait cela, qui met cet enfant dans le rang, qui ne sait ni se purifier ni prier, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Man wasala saffan, wasalahu Allah, wa man qata'a saffan, qata'ahu Allah. » Celui qui joint un rang, alors Allah joindra à lui sa miséricorde. Et celui qui coupe un rang, Allah le coupera de sa miséricorde. Et on demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc le fait de prendre un enfant et de le mettre dans le rang alors qu'il ne sait pas prier et qu'il ne sait même pas purifier, ceci est contraire à la législation islamique. Et il n'est pas permis de faire cela. Et aujourd'hui, malheureusement dans les mosquées, nombreux sont les enfants qui sont ainsi au milieu des rangs. Et personne ne dit rien. Les gens, ils se taisent par courtoisie ou par ménagement, ou il a peur d'interdire à la personne de mettre son enfant dans le rang. Et d'autres, tout simplement par ignorance. Mais en réalité, c'est un devoir pour tous de faire sortir les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de discernement, ou ceux qui ont atteint l'âge de discernement, mais qui n'accomplissent pas la prière comme il se doit, de les faire sortir des rangs. Et il est connu du Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, comme nous l'ont rapporté certains de nos enseignants, que lorsqu'il voyait un enfant dans les rangs de prière, il l'interrogeait. « Sais-tu faire les ablutions ?» Si l'enfant lui répondait oui, alors il l'interrogeait au sujet de la prière. « Est-ce que tu accomplis la prière correctement ?» S'il répondait affirmativement, alors il le laissait dans le rang. Et si ce n'était pas le cas, il le faisait sortir du rang de prière. Il est donc obligatoire pour nous de nous soumettre à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, en ordonnant à nos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. Et une fois qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les frapper pour celle-ci, c'est-à-dire s'ils la négligent. Et on tire de cela qu'avant l'âge de 10 ans, il n'est pas permis de taper l'enfant s'il néglige sa prière. Mais tu dois simplement le réprimander par la parole. Une fois qu'il atteint l'âge de 10 ans, tu le réprimandes plus sévèrement, car en général, il s'approche de l'âge de la puberté. Une fois qu'il atteint la puberté, la prière, elle devient obligatoire pour lui et il ne lui est plus permis de la négliger. Ceci est donc la troisième condition de la prière, le discernement. C'est-à-dire qu'avant l'âge de discernement, la prière de l'enfant, elle n'est pas valide, et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de le placer dans les rangs de prière. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit « Ash-shart al-rabi' raf' al-hadath wa huwa al-wudu' al-ma'ruf » Il dit la quatrième condition, c'est le fait de lever l'impureté, et ce sont les ablutions qui sont connues. Donc, ici le Cheikh, rahimahullah, il mentionne cette quatrième condition de la prière, qui est le fait de lever l'état d'impureté. L'état d'impureté qui peut être mineur ou majeur. L'état d'impureté mineur, al-hadath, al-asrar, il est levé par les ablutions. Et l'état d'impureté majeur, il est levé par le rusr. Et il va mentionner ensuite les conditions des ablutions, ainsi que ses obligations et ses annulatifs. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, lors de la prochaine assise. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.